Mercredi 17 octobre, l'unité parmi les chrétiens. Lisez Marc 9, 38 à 41 et Jean 10 au verset 16. Que nous enseigne la réponse de Jésus à l'apôtre Jean sur l'exclusivisme et les jugements hâtifs sur qui est un véritable disciple de Jésus? Les adventistes du septième jour tentent à comprendre la prière de Jésus dans Jean 17 comme s'appliquant directement à l'unité de leur Église. Nous devons être unis en tant qu'Église pour accomplir notre mission qui est de partager le message des trois anges avec le monde. Sur ce point, il y a peu de désaccords. Mais qu'en est-il de l'unité avec les autres chrétiens? Quelles doivent être nos relations avec eux à la lumière de ce que Jésus a prié? La question ne se pose pas. Nous croyons que Dieu a des fidèles dans d'autres églises en dehors de la nôtre. En outre, la Bible dit clairement que Dieu a des fidèles même à Babylone. « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. » En même temps, nous savons que d'après le livre de l'Apocalypse, l'apostasie est grande parmi ceux qui professent le nom de Christ et que dans les derniers jours, de nombreux faux chrétiens s'uniront et s'uniront à l'État, afin d'entraîner la persécution décrite en détail dans Apocalypse 13, des versets 1 à 17. D'où le fait que les adventistes ont toujours été très prudents avant de s'impliquer dans des appels à l'unité avec d'autres églises, comme on a pu le voir avec le mouvement œcuménique. Dans ce cas, quels devraient être nos rapports avec les autres dénominations ? Voici ce qu'Ellen White a écrit concernant l'œuvre conjointe de l'Église adventiste avec les autres chrétiens, en tout cas sur une question précise. Lorsque les agents humains soumettent leur volonté à celle de Dieu, le Saint-Esprit opère dans les cœurs de ceux pour lesquels il travaille. Il m'a été montré que nous ne devions pas ignorer celles qui font partie de l'union de la tempérance des femmes chrétiennes. En nous joignant à elles pour prêcher une abstinence totale, nous ne modifions pas notre position concernant l'observation du septième jour et nous manifestons notre appréciation de cette œuvre de la tempérance. En leur ouvrant notre porte, en les invitant à s'unir à nous sur cette question, nous nous adjoindrons des collaboratrices auxquelles nous aurons l'occasion de faire connaître la vérité. Elle évoquait certes une question spécifique, à un moment spécifique, mais elle donne des principes que nous pouvons suivre concernant nos liens avec d'autres chrétiens, en particulier sur le fait de se rassembler autour d'une cause. D'abord, nous pouvons travailler avec eux sur des intérêts sociaux communs. Deuxièmement, si nous nous unissons à eux, nous devons le faire de manière à ne pas compromettre nos croyances ou nos pratiques. Troisièmement, nous pouvons et devons nous servir de cette unité pour partager avec d'autres les précieuses vérités que nous avons reçues en bénédiction.